du désert me parle. Il connaît mon nom. Il murmure les guerres passées et les secrets des vers sous la roche. Ceux qui regardent la mort dans les yeux.